بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue notre cours maintenant de l'explication de l'usul al-thalatha du Sheikh avec le sharh de Sheikh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala qui s'intitule Ithaf al-Uqul bi sharh al-thalatha al-usul. Et on a expliqué au dernier cours la signification du témoignage de Muhammad Rasulullah. Maintenant, on continue avec l'explication des autres piliers de l'islam. Et on est toujours dans le deuxième fondement de Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. On est dans le deuxième, qui est la connaissance de l'islam avec les preuves. Donc, le Cheikh, il dit, « قال المصنف رحمه الله » ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Donc il dit que la preuve en ce qui concerne la salat, la zakat et l'interprétation de la signification du tawhid, c'est dans le verset 5. Dans le verset 5 de Surat Al-Bayyinah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, en s'écartant du shirk, et en adorant que Allah seul, en établissant la salat et en donnant la zakat, et voilà la religion de la droiture. » Donc, après, il explique maintenant, Cheikh Ubaid, hafizahullah, ce passage. Il dit « هذه الآية تضمنت ثلاثة أمور الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد فدليل الصلاة ويقيم الصلاة ودليل الزكاة ويؤتوا الزكاة أي يؤدونها والثالثة تفسير التوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهذا هو تفسير التوحيد وهذا تفسير التوحيد فإخلاص الدين لله هو يعني التوحيد نفسه. قال فيها حنفاء وهو جمع حنيف ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء المذكورة في الآية هي دين القيمة. دين القيمة أي الملة القويمة التي لا عوج فيها ولا نقص. وذلك دين القيمة أي ذلك المأمور به في الآية. Donc le Cheikh il dit que ces versets, ce verset comprend donc trois choses. La salat, la zakat et l'explication du tawhid. La preuve dans le verset 5, dans Surat al-Bayyina, de la salat, c'est quand Allah dit « wa yuqimu salat », ils établissent la salat. Et la preuve au sujet de la zakat, c'est quand il dit « yani wa yu'tu zakat ». Yu'tu zakat. Et c'est-à-dire il donne la zakat. Il paye la zakat. Et le troisième point, c'est l'explication du tawhid. Qu'est-ce que signifie le tawhid? Tu l'as éteint? Ok, barakallahu fik. Et il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, en purifiant pour lui leur religion. Ça, c'est l'explication de la signification du tawhid, l'unicité d'Allah. Et que Allah est unique et c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et ça, al-ikhlas ou al-din illahi, c'est ça le tawhid, de purifier notre religion pour Allah, pour que toutes nos adorations soient purement et exclusivement vouées à Allah seul. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, après avoir dit ça, il dit, après avoir dit mukhlisin al-din, il dit hunafa. Hunafa, il dit, c'est le pluriel du mot hanif. Et al-hanif, c'est celui qui penche naturellement vers l'unicité d'Allah et l'adoration d'Allah seul et qui s'écarte naturellement de ce qui est adoré en dehors d'Allah et des idoles et de tout ce qui est autre que Allah. Donc il est hanif. Il est hanif parce qu'il penche vers le tawhid et il s'écarte du shirk. Donc ça confirme encore plus l'unicité d'Allah. Puis ensuite il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que ça c'est la religion de la droiture. La religion de la droiture dans laquelle il n'y a pas de, il n'y a rien de tortueux ou il n'y a rien de, Il n'y a rien qui va à gauche ou à droite, ou qui tourne, ou qui n'est pas droit. Tout est droit dans cette religion. Hein, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de... Et c'est ça ce que Allah nous a ordonné de suivre, la religion de la droiture. Il dit, وَهُنَا السُّؤَالٌ وَهُنَا سُؤَالٌ مَا وَجْهُ النَّصِ أَوْ التَّخْصِيصُ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ الْعَمَلِيَّةِ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ الصَّلَاةُ ثُمَّ الزَّكَاةِ. Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh dit, si on pose la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans ce texte ou dans ce verset, il spécifie uniquement la salat et la zakat parmi les différentes adorations qu'on peut faire en application et en pratique? Hein? Pourquoi il ne mentionne pas les autres? Et le Cheikh dit parce que ces deux adorations-là sont parmi les, yani, sont parmi les adorations les plus importantes et les plus grandes. Après les deux témoignages, c'est la salat et la zakat. Après le Cheikh dit, وقال المصنف رحمه الله ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Et il dit la preuve en ce qui concerne le jeûne, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il cite comme preuve le verset 183 dans Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, il dit ce qui signifie, ô vous qui avez cru, on a prescrit pour vous le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux qui étaient avant vous, pour que vous puissiez atteindre la piété, at-taqwa. Et le Cheikh explique que, as-siyamu ma'nahu fil lugha al-imsak, sama ani shay yani amsaka anhu. Donc le sens linguistique en arabe du mot siyam signifie al-imsak. Al-imsak, ça veut dire de se retenir de quelque chose. Donc quand tu dis en arabe sama an shay'in, yani amsaka anhu. Donc tu dis il a fait le siyam par rapport à quelque chose, c'est-à-dire il s'en est retenu. Et il dit wa fi shar'i huwa imsakun bi niyyatin an shahwatay al-batn wal-farj. Min tulu'il fajri إلى غروب الشمس والصيام المنصوص عليه في الآية هو صيام رمضان وقد بينه في قوله بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Donc le Cheikh dit que en ce qui concerne la définition du mot siyam dans la religion, dans son sens religieux et dans la révélation, c'est de se retenir des passions ou des désirs du ventre et des parties avec une intention spécifique, parce que toutes les adorations doivent être précédées d'une intention, et c'est à partir du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est ça la définition du jeûne selon la religion. C'est de se retenir des désirs du ventre et des parties intimes avec une intention spécifique à partir du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et il dit le Cheikh que le jeûne qui est mentionné dans les textes et qui est ordonné dans le Coran, c'est le jeûne du Ramadan en particulier, le jeûne du Ramadan, et ça c'est mentionné dans le verset 185 dans Sourate Al-Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit le jeûne du Ramadan, dans lequel le Coran a été révélé, comme guidance pour les hommes et comme preuve claire de la guidance et du discernement. Donc quiconque parmi vous, quiconque d'entre vous est témoin, c'est-à-dire il est présent lors du début de ce jeûne, alors du début de ce mois, pardon, alors qu'il le jeûne. Les conditions de l'obligation du jeûne, le Cheikh il en a mentionné quatre. أولا التكليف ويشمل البلوغ والعقل والثانيا الإقامة ثالثا السلامة من الأمراض المبيحة للفطر رابعا دخول شهر رمضان بالنية وهي رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وتزيد المرأة شرطا واحدا وهو الطهارة من الحيض والنفاس، ويحرم عليها صيام رمضان ولكن تصومه قضاء. Donc le cheikh il dit que il y a quatre conditions pour que le jeûne du Ramadan soit obligatoire. La première condition, c'est le fait d'avoir atteint l'âge de la puberté et d'avoir sa raison, qu'est-ce qu'on appelle at-taklif en arabe, at-taklif, c'est-à-dire lorsqu'on commence à être responsable pour nos œuvres parce qu'on a atteint la puberté ou on a notre et on a notre raison, et donc à partir de ce moment-là, lorsqu'on est musulman, ça devient obligatoire pour nous de faire les œuvres que Allah nous a ordonné de faire. Wal-iqama, al-iqama ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es résident quelque part, tu n'es pas en voyage. Hein? Donc ça c'est la deuxième condition pour que ce soit obligatoire. Si tu es en voyage, ce n'est pas obligatoire pour toi. Hein? Et troisième condition, as-salamatu min al-amrad al-mubihah lil-fitr. Par exemple, lorsque le ramadan commence et que si quelqu'un il est malade par exemple, dans ce cas-là, il a le droit de ne pas jeûner. Donc, une des conditions pour que le jeûne soit obligatoire pour quelqu'un, il faut que la personne en question soit en bonne santé et qu'elle ne soit pas malade au point où elle ne puisse pas jeûner, par exemple, que son jeûne l'empêche de faire, que sa maladie l'empêche de faire le jeûne. Alors, dans ce cas-là, elle est exemptée de l'obligation. Et la quatrième condition, c'est que pour faire le ramadan, il faut que le mois du ramadan soit entré et il faut que la personne ait eu l'intention de jeûner le ramadan avant le début de son jeûne. Donc si c'est pas le ramadan, tu peux pas jeûner le ramadan si le ramadan n'est pas commencé. Il faut attendre le début du mois. Et comment on détermine que le mois est rentré? Eh bien c'est soit en ayant vu le croissant du mois de ramadan par rapport au calendrier lunaire, parce que le calendrier musulman c'est un calendrier fondamentalement basé sur la lune. Donc il commence avec la naissance du nouveau croissant et il termine avec la naissance du croissant suivant à la fin du mois. Et ça c'est ce qui détermine l'entrée et la sortie du mois de Ramadan et le début du mois de Sha'ban. Et donc si à cause de des nuages ou à cause des choses qui nous empêchent de voir le ciel, la brume ou des choses de ce genre, on n'est pas capable de savoir si le croissant est né ou non, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On complète le nombre du mois de Sha'ban, 30. Hein? On complète le nombre du mois de Sha'ban comme étant 30 jours, puis on jeûne le lendemain. Hein? Donc ça veut dire que ça c'est basé sur quoi? C'est basé sur le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit soumou li ru'yatihi, jeûnez quand vous le voyez, c'est-à-dire vous voyez le croissant, wa aftiru li ru'yatihi, et quand le mois est terminé à la fin et que vous voyez le croissant du mois suivant, alors vous cessez de jeûner. Mais si vous êtes incapable de le voir à cause des nuages ou des choses de ce genre, alors dans ce cas-là, vous calculez 30 jours pour le mois de Sha'ban, puis vous complétez, hein, vous complétez le mois de Sha'ban 30 et vous jeûnez le lendemain. Tazidul mar'a, donc la femme, elle a une condition supplémentaire, c'est qu'elle est pas, elle soit pas dans ses périodes de menstrues et elle ne soit pas non plus dans les périodes d'écoulement post-natal, c'est-à-dire lorsqu'elle a accouché. Si elle est dans ses règles ou bien dans sa période après l'accouchement, alors dans ce cas-là, pendant ces jours-là, elle ne peut pas jeûner. Elle n'a pas le droit de jeûner. Elle va reprendre les jours manqués après le ramadan. Et le shaykh dit « Wa qawluhu ta'ala, la'allakum tattaqoun, kama qala sallallahu alayhi wa sallam, as-siyamu junnah, ay wiqayatun min shahwatin nafsi, wa kathalika wiqayatun lillisani min ar-rafath. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. ولا يجب على غير صيام، ولا يجب غير صيام رمضان إلا ما كان نذرا أو كفارة أو بدل عن دم متعة أو قران أو فدية أو فدية أذى. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset dans surat al-Baqara il dit pour que vous puissiez atteindre la piété. Et c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mentionné dans un autre hadith qui est rapporté par al-Bukhari et Muslim que le jeûne c'est un bouclier. As-siyam junnah. Le jeûne c'est un bouclier et par le jeûne on protège notre personne des désirs de l'âme et on protège également notre langue des mauvaises paroles et des choses de ce genre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a incité les jeunes qui sont célibataires à se marier justement pour pouvoir se protéger contre les choses illicites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ya ma'shar al-shabab, c'est-à-dire oh vous assemblée de jeunes, celui d'entre vous qui est capable d'entretenir une femme et de s'en occuper, alors qu'il se marie, car cela aide à préserver les parties intimes et à baisser le regard, c'est-à-dire de rester chaste. Mais celui qui n'est pas capable de se marier, parce qu'il n'a pas suffisamment de qu'est-ce qu'il lui faut pour être capable de s'occuper d'une femme, ou bien parce que il n'a pas trouvé de femme ou des choses comme ça, alors dans ce cas-là il doit jeûner parce que ça va être pour lui une protection. Pourquoi? Parce que quand tu jeûnes, ton énergie elle est diminuée. Ton énergie quand tu jeûnes elle est diminuée. Et donc, tu as moins de temps à penser à ce genre de choses. Tes désirs, ils diminuent. Pourquoi? Parce que tu as moins de force, tu as moins d'énergie. Et la faim, oui. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que tes tentations et tes désirs s'affaiblissent. Ton énergie, elle est diminuée. Donc, tes désirs diminuent en même temps aussi. Et donc ça rend la chose plus simple, plus facile pour toi de contrôler tes passions et tes pulsions puisque tu es dans une situation dans laquelle t'as moins d'énergie. Il dit wala yajibu ghayra siyam ramadan. En dehors du Ramadan, il y a d'autres jeûnes qui sont recommandés, mais ce sont pas des jeûnes obligatoires. D'accord? C'est seulement le jeûne du Ramadan qui est obligatoire, sauf dans certains cas. Par exemple, des jeunes qui ont été rendus obligatoires par rapport à un vœu que quelqu'un a fait. Si quelqu'un il a fait un vœu pieux de quelque chose, puis la chose, il a dit par exemple, si telle chose se produit ou si telle chose arrive, je vais jeûner un tel nombre de jours ou des choses comme ça. Alors dans ce cas-là, c'est obligatoire pour lui de respecter son vœu. Ou bien lorsqu'il a des jeûnes à faire par expiation, par exemple il y a eu des rapports intimes avec sa femme pendant le Ramadan, il doit jeûner 2 mois consécutifs par exemple. Ou bien il y a d'autres exemples de kafarat aussi comme ça dans lesquels il y a des expiations par le fait de jeûner certain nombre de jours. Ça, c'est des obligations puisque c'est des expiations. Et aussi, par exemple, les jeûnes que quelqu'un doit faire par rapport à son hajj. Si la personne, par exemple, n'a pas eu les moyens de payer un mouton pour faire son sacrifice pendant le hajj, dans ce cas-là, il doit jeûner 10 jours, 3 jours pendant le hajj. Et 7 jours lorsqu'il revient chez lui. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. Donc ça c'est un exemple, na'am, un exemple de jeûne obligatoire, ou bien lorsque la personne a une fidya à payer à cause du fait qu'il a eu à se raser la tête parce qu'il avait des poux dans ses cheveux, donc ça lui faisait du tort, donc il a eu à raser sa tête à cause de ça. Donc dans ce cas-là, il a une fidya à payer et il a jeûné un nombre de jours dans ce cas-là. Donc fafidyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Ça c'est un autre exemple dans lequel le jeûne peut être obligatoire aussi. Mais ça c'est des exceptions, c'est pas la règle générale, c'est que les jeûnes sont surérogatoires, comme le jeûner le lundi et le jeudi, jeûner les trois jours blancs, c'est-à-dire les jours de la pleine lune au milieu du mois, quelqu'un va jeûner ces trois jours-là, c'est recommandé. Ou bien jeûner le jour de Arafah ou le jour de Ashura, un jour avant ou un jour après. Ça, c'est des exemples de jeûnes qui sont des jeûnes surérogatoires. Ou bien les six jours de Shawwal, ça c'est après le Ramadan. Ça fait partie des jeûnes qui sont recommandés, mais qui ne sont pas obligatoires. D'accord? Quelle heure est-il? 7h30? Ok, on peut encore continuer un petit peu. Ouais, donc justement, on est arrivé maintenant à parler à propos du Hajj, et c'est le dernier pilier parmi les cinq piliers de l'islam. Et le Cheikh il dit: وقال المصنف رحمه الله ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Donc c'est le verset que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a cité la preuve au sujet de l'obligation du Hajj, et c'est le verset 97 dans Sourate Al-Imran. Et il dit dans ce verset, et c'est à Allah, c'est pour Allah que tu dois faire ton Hajj vers la maison. C'est une obligation pour Allah de faire, c'est-à-dire c'est une obligation pour les gens, pour les hommes, de faire leur Hajj pour Allah vers la maison, c'est-à-dire la Kaaba, pour celui qui en est capable de le faire, pour celui qui est capable de le faire, et quiconque renie la foi ou qui rejette la foi, alors Allah est certes riche, il peut se passer de tout l'univers. Et il mentionne le Cheikh Ubaid hafizahullah les définitions maintenant. Al-Hajj lughatan al-qasd wa istilahan qasd al-bayt al-haram fi waqt makhsus li'amal makhsus ala hay'atin makhsusa. Waqt makhsus yani ashhur al-hajj al-ma'rufa li'amal makhsus wa huwa al-arkan al-ma'rufa على هيئة مخصوصة يعني منها الإحرام. Donc le Hajj, qu'est-ce que ça veut dire? Linguistiquement, le mot Hajj signifie al-qasd. Al-qasd, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire l'intention ou le but ou l'objectif, le fait de d'avoir quelque chose comme objectif ou comme but ou comme intention. D'accord? C'est ça, al-hajj. Et, istilahan, selon la définition religieuse, le terme hajj signifie d'avoir l'intention d'aller vers la maison sacrée. C'est la Kaaba qui a été bâtie par Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl dans un temps spécifique pour faire des actions spécifiques et selon une tenue spécifique, ou bien d'une manière spécifique. Il explique chacune de ces trois choses: le temps, l'action et l'habillement spécifique, en disant que le temps spécifique c'est quand? C'est les mois du Hajj. Les mois du Hajj. Le mois de... Il y a les mois sacrés qui sont les mois pour le Hajj. Et parmi ces mois-là, bien entendu, le mois de Dhul-Hijjah, et c'est dans ce mois-là que le hajj a lieu. Wali amalin makhsous, c'est-à-dire en faisant des actes spécifiques. Donc le hajj, pour le hajj, il y a des actes spécifiques à faire. Et yani, donc en général, si tu fais par exemple le hajj le tamattu, donc tu vas commencer par la umra en premier, après tu enlèves ton ihram jusqu'à ce que commencent les jours de je pense qu'on appelle ça tarwiya, si je me souviens bien. Là, à ce moment-là, tu vas prendre ton ihram encore une fois, tu vas le porter encore une fois, tu rentres en état d'ihram encore, puis tu vas aller jusqu'à, si je me souviens bien, tu vas si on va à Mina en premier, après on va à Arafah, le jour de Arafah, on va à Arafah jusqu'au coucher de soleil. Après le coucher de soleil, on se dirige vers Muzdalifa. Après, on dort à Muzdalifa. On fait la prière de l'aube. Puis, après avoir prié la prière de l'aube, on se dirige vers Mina encore. Et là, pendant les jours suivants, on va faire les rituels. Hein, le sacrifice, le tawaf, les jamarat et le rasage de la tête. Puis, yani, le fait de dormir aussi les jours pendant deux ou trois jours suivant Amina. Donc tout ça fait partie des actions qui sont légiférées pour le Hajj, et aussi les vêtements spécifiques qu'on doit porter, ou la façon dans laquelle on doit être, l'état dans lequel on doit être pendant le Hajj, c'est-à-dire en état d'ihram. On doit être en état d'ihram. Et être en état d'ihram, c'est l'intention, bien entendu, d'être en état d'ihram pour faire le hajj, et de s'abstenir de porter certaines sortes de vêtements. Donc tous les vêtements cousus, on n'a pas le droit de les porter. Et on doit porter donc un izar et un rida, et on n'a pas le droit de porter un chapeau ou des choses sur la tête. Puis on doit pas non plus, bon, ça c'est, on doit pas porter du parfum, on doit pas raser des poils ou couper les ongles pendant cette période là donc il y a des choses à respecter pendant l'ihram. Et pour la femme, son ihram, c'est dans son visage et ses mains, parce qu'elle n'a pas le droit de porter un niqab et des gants pendant l'ihram, mais elle a le droit de couvrir son visage et ses mains avec autre chose. Et c'est ce qu'elle doit faire justement si il y a des hommes. Et c'est le cas de toute façon lorsque quelqu'un va à Mecca, il n'y a pas d'endroit où les femmes ne seront pas en présence d'hommes en général, puisque il y a partout des hommes et des femmes. Donc les femmes devraient se couvrir le visage en tout moment lorsqu'elles sont dehors. Et la seule chose, c'est qu'elles ne peuvent pas porter le niqab et les gants, mais elles doivent se couvrir avec autre chose que ça. Le cheikh dit ensuite, Al-Hajj wajibun kasa'iri arkan al-Islam, wajibun bil-kitabi wa-sunnati wal-ijma' wa-asahu al-qawlayni annahu ala al-fawri fi awwali zaman al-imkan. Donc le cheikh dit que l'obligation du hajj, c'est obligatoire. Le hajj, c'est obligatoire comme tous les autres piliers de l'islam. Et c'est une obligation qui est établie par le Coran, par la sunna et par le consensus. Hein? Par le consensus des ulama de l'islam. Et selon la position la plus correcte par rapport aux deux positions à ce sujet, c'est que ça devient obligatoire aussitôt que la personne a les moyens et la capacité de faire son hajj. C'est-à-dire que si quelqu'un possède les moyens et la capacité de faire le hajj et qu'elle le retarde sans excuse valable, eh bien dans ce cas-là, elle a commis un péché. Elle a commis un péché parce que c'est obligatoire aussitôt que la personne a la capacité et les moyens de le faire. Shurutul hajj. Quelles sont les conditions pour que le hajj soit obligatoire? C'est comme les conditions de qu'est-ce qu'on a mentionné, les trois premières conditions qu'on a mentionné pour le jeûne, mais sauf que il y en a une autre qui est différente, c'est premièrement être musulman, ça c'est obligatoire, hein. Deuxièmement être mukallaf, c'est-à-dire être mukallaf, la personne elle a sa raison et elle a atteint l'âge de la puberté, alors là ça devient obligatoire si elle respecte ces conditions-là, mais bien entendu aussi le fait d'être libre, c'est-à-dire que la personne ne soit pas esclave. Et quatrièmement, la personne doit avoir la capacité. Et la capacité, ça veut dire la capacité physique. Le cheikh il dit al-istita'atu as-sabil wa istita'atu fi al-badan wa fi al-mal wa fi at-tariq hadhihi mushtaraka wa tazidu al-mar'a shartan wa huwa wujud mahramiha aw zawjiha wa al-mahram huwa man tahrumu 'alayhi mu'abbadan bi nasabin aw sababin mubah. والنسب كالأبوة والبنوة والأخوة والعمومة وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها والسبب كالمصاهرة يعني مثل زوج بنتها وابن زوجها وغيرها أو ولدها من الرضاعة أو ابن أختها من الرضاعة أو ابن أخيها من الرضاعة أو ابن بنتها من الرضاعة. وعلى هذا هل تصح أو هل تحج المرأة مع من لاعنها؟ تعرفون الملاعنة؟ الملاعنة هو أيمان بين الزوجين في حال التهمة في الزنا، يعني يفرق بينه وبين موجبها، فلا تحج المرأة مع من لاعنها وإن كانت محرمة وإن كانت محرمة عليه على التأبيد، لأن السبب غير مباح، فهي محرمة عليه على التأبيد، ولكن لا تحل بينهما الخلوة ولا النظر، وإنما هذه عقوبة شرعية، وكثير من المسلمين هدانا الله وإياهم وإياكم سبيل الرشاد يتساهلون فتحج المرأة مع رفقة فيها ابن عمها أو مع رفقة فيها ابن عمها وابن خالتها بحجة أن هؤلاء كل واحد معه زوجه أو يعني محرمه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع ذي محرم أن تسافر مع غير ذي محرم. أوكي لشيخ الزي la quatrième condition c'est la capacité de voyager, c'est-à-dire qu'elle a les moyens de se payer le voyage et quelle est la capacité physique de le faire, hein, et dans les biens aussi, l'argent. Donc ça c'est les deux choses, la capacité physique et la capacité dans les biens et dans le transport, moyen de transport. Et la femme elle a une cinquième condition pour elle, c'est qu'elle doit avoir un mahram avec elle pour faire le voyage, parce que la femme n'a pas le droit de voyager seule, ou bien avec son mari, ou bien avec un mahram. Le mahram, c'est quoi? C'est un homme de sa famille avec qui elle n'a pas le droit de se marier à cause des liens de parenté ou à cause d'une situation qui a fait en sorte que la personne ne peut plus se marier avec elle, comme par exemple, on va donner l'exemple, le mahram à cause des liens de parenté, comme le père, le fils, le frère, l'oncle, وَبْنُ أَخِيهَا le fils de son frère, وَبْنُ أُخْتِهَا le fils de sa sœur, وَخَالِهَا son oncle paternel, وَعَمِّهَا son oncle maternel. Son oncle paternel et son oncle maternel. son oncle paternel et maternel. Tu dis le grand-père, ça rentre dans le père. Le grand-père, il rentre dans le père. Et le fils, le petit-fils, et ainsi, en descendant, et le père en montant. D'accord ? Et donc, ceux-là sont les mahrams pour la femme. Et en ce qui concerne l'autre qui est le mahram d'une femme, mais que ce n'est pas à cause du lien de parenté, c'est dans quel cas ? Dans le cas de l'époux de la fille. Comme par exemple, une femme, sa fille s'est mariée avec un homme. Ok, on va dire que par exemple, oui, c'est ça, le beau-fils. Comme par exemple, une dame, elle a une fille, sa fille s'est mariée avec un homme, cet homme-là, il est mahram pour elle. Il ne pourra jamais se marier avec cette femme. Hein? Il ne pourra jamais se marier, elle ne pourra jamais marier le mari de sa fille. C'est le mari de sa fille, c'est son mahram. Il peut la voir sans voile. Hein, il peut aller voyager avec elle parce qu'il est mahram pour elle, parce que c'est son beau-fils. D'accord. Et il dit également le cheikh, donc le mari de sa fille ou le fils de son mari, si elle s'est remariée avec un homme, puis que cet homme-là, il avait un fils. Il dit le cheikh que ce fils-là, le fils de son mari, il est mahram, il est un mahram pour elle. Aw waladuha min ar-rada'a, ou bien son fils de lait. C'est-à-dire que si elle a allaité un enfant, puis que l'enfant par la suite il grandit, eh bien, il devient comme son fils. Donc, il est un mahram pour elle. Ou ibn ukhtiha min ar-rada'a, ou bien le fils de sa sœur de lait. Ou ibn akhiha min ar-rada'a, ou bien le fils de son frère de lait. Ou ibn bintiha min ar-rada'a, ou bien le fils de sa fille de lait. Ceux-là, ils sont des mahrams pour elle aussi. D'accord ? وَعَلَى هَذَا. Donc, si on a dit ça maintenant, il donne un autre exemple, un cas où il y a eu un cas de li'an, al-mula'ana. Qu'est-ce que c'est al-mula'ana ? Al-mula'ana, c'est lorsque un homme, il prétend avoir surpris sa femme en train de faire le zina. Et donc, il l'accuse de zina et il n'y avait pas de témoin. Son mari, il rentre chez lui, il voit sa femme, il prétend que sa femme était chez lui en train de faire le zina, il l'a attrapé en train de le faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va jurer 4 fois qu'il dit la vérité, puis la 5e fois, il va invoquer la malédiction d'Allah sur lui s'il ment. Puis elle, soit qu'elle va approuver, qu'elle va affirmer que c'est vrai, où elle va jurer elle aussi de son côté qu'elle a dit la vérité, puis que c'est lui qui a menti, puis la malédiction d'Allah la 5e fois si, sur elle-même si elle a menti. Puis à partir de ce moment-là, les deux sont séparés et sont interdits l'un pour l'autre à jamais. Ils ne pourront plus jamais se remarier, ces deux-là. Et lui, est-ce qu'il, le cheikh, il pose la question, est-ce que dans un cas comme ça, celui qui a fait le moula'ana avec cette femme, est-ce qu'il peut voyager avec elle? Est-ce qu'il peut être un mahram pour elle? Et le cheikh, il dit non. Il peut pas. Et il peut pas rester seul avec elle non plus. Il n'a pas le droit de la voir, il n'a pas le droit de rester seul avec elle, et que c'est une punition de la religion, qu'ils ne peuvent pas, malgré qu'ils ne peuvent pas se remarier, ils ne peuvent pas non plus être mahram, il ne peut pas être son mahram. Il dit que beaucoup de musulmans, même si il y a des gens qui prennent ces choses-là à la légère. Il y a des musulmans, ils prennent des choses à la légère dans ces questions-là. Et il dit que par exemple, certaines femmes, elles vont faire le voyage avec son cousin, hein, son cousin du côté de soit le son cousin de son oncle maternel ou de son oncle paternel, et en voulant dire parce que chacun est avec son propre époux, c'est-à-dire par exemple son cousin est avec sa femme, donc étant donné qu'il est avec sa femme, donc il va dire bon, c'est correct que je voyage avec cette femme là qui est toute seule, hein, tu comprends, de voyager avec son cousin même si ton cousin est avec sa femme, c'est pas permis parce qu'il n'est pas un mahram pour toi. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager sans mahram, hein. Donc il dit le cheikh qu'à partir de ce moment là donc c'est pas permis de voyager sans mahram pour la femme. L'enfant, est-ce que l'enfant est un mahram s'il n'a pas atteint la puberté, s'il n'est pas non, il faut que le mahram, il faut qu'il ait atteint la puberté au moins pour qu'il puisse être un mahram, parce que le but du mahram c'est de protéger la femme, puis de veiller à ce que la femme elle soit en sécurité. Si l'enfant, c'est un enfant, qu'est-ce qu'il peut faire l'enfant? Il peut rien faire, hein. Donc c'est pas suffisant que ce soit un enfant pour dire que ça c'est ton mahram. Non, il faut que ce soit quelqu'un qui est au moins à l'âge de la puberté. Wallahu ta'ala a'lam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour ce cours. Puis dans 5 minutes, on va commencer al-ubudiyya, inshallah. Ok, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.